Livre 6e. Considération générale sur l'histoire de la petite vérole. Germinée jusqu'à la fin du siècle dernier, nous l'avons dit, on reconnaissait généralement que la petite vérole provenait d'un germiné, qu'elle était une crise naturelle, inévitable, mais lorsque Genet eut inventé le vaccin, lorsqu'il se fut formé des sociétés pour le propager, enfin quand les vaccinateurs eurent rêvé l'extinction de la petite vérole, on ne pouvait plus partir du même principe. Pour que la tentative fût rationnelle, il fallait avant tout établir que la petite vérole était non pas une crise, se produisant de toute éternité, mais une maladie nouvelle, ignorée des premiers âges de la médecine. Les vaccinateurs se livrèrent donc, sinon aux recherches, du moins aux inventions, aux dissertations les plus oiseuses, non pas sur le fond même, mais sur la couleur du mensonge. Il y eut des livres tout entiers sur l'âge, sur l'origine, sur le lieu de la naissance de la petite vérole. Les uns, attribuant l'importation aux Sarrasins, ont dit que la petite vérole était née sur les terres des Arabes. Sans fixer l'époque, on voit que, chez les vaccinateurs, la chronologie et la géographie manquent de précision. D'autres, basant toujours aussi solidement leurs conjectures, disent que la variole a pris naissance en Éthiopie, puisque c'est d'Éthiopie qu'on assure que plusieurs pestes sont sorties. Enfin, une dernière version choisit l'Égypte, sous le prétexte que l'Égypte est le climat le plus pernicieux et le plus propre à engendrer des maladies pestilentielles. Nous passons sur une dissertation qui attribue le développement des miasmes varioliques aux eaux du Niger, échauffées par un long trajet sous la zone torride. Toutes ces fables n'ont même ni caractère ingénieux, ni vraisemblance. Il est facile aux plus indifférents d'en faire immédiatement justice. Mais tout partisan de la vaccine commence religieusement son livre par ces légendes. En effet, si la variole n'est pas une maladie acquise, transmise, venue on ne sait d'où, comment prétendrait-on s'en préserver? Les vaccinateurs eux-mêmes n'oseraient pas dire qu'ils s'opposent à la marche de la nature, l'absurdité de la thèse deviendrait trop évidente, de là ces peines infinies pour nier l'éternité de la variole, ce devoir pieusement accompli par Thucéide, de là cette mythologie spéciale. Il faut prévenir même des arguments ridicules, discutons donc sérieusement ces récits enfantins. Nous citerons d'abord les livres chinois, et en particulier les cinq Qing, les cinq livres sacrés qui remontent à l'origine même de l'empire chinois. L'un d'eux, le Shuqing, ou livre des annales, renferme des descriptions d'épidémies varioliques. Monsieur de Guigne, qui avait été 20 ans consul en Chine, sinologue célèbre, dont la science pratique en ce genre n'a jamais été mise en doute, a eu l'obligeance de nous traduire des passages fort précis à ce sujet. Du reste, tout le monde peut lire les traductions du Shuqing, refondues et éclaircies, au VIe siècle avant Jésus-Christ, par Confucius, qui longtemps même en a été cru l'auteur. L'origine de cette prétendue maladie se perd pour les Chinois dans la nuit des temps, ce qui veut dire que, pour eux, elle existe de toute éternité. Les documents précis remontent à 1122 ans avant Jésus-Christ, sous Choco. Ces documents n'ont jamais été contredits jusqu'ici ni par les sinologues, ni par la tradition des missionnaires. Les vaccinateurs ont taxé d'obscurité les passages, pourtant incontestables, d'Hippocrate qui traite de la petite vérole, prétendant que s'il eût connu cette maladie, il en aurait disserté longuement. Ils ont pareillement nié que Galien en parla, du reste, on l'avait soutenu avant eux, et Razet déjà dit à ce sujet. Celui d'entre les médecins qui a prétendu que Galien, cet excellent auteur, n'a fait nulle mention de la petite vérole, et que cette maladie lui a été entièrement inconnue, n'a jamais lu les ouvrages de Galien, ou bien ne les a lus qu'en feuilletant, et d'une manière superficielle, car cet auteur nous donne un précepte sur cette maladie, dans son premier traité Ce qu'un homme genu, où il dit, cela est bon de cette manière et dans la petite vérole. Il dit encore, au commencement de son 14e livre sur le pouls, près du premier feuillet, le sang se corrompt quelquefois, et vient à un tel degré de corruption, ce qui ne vient que d'un excès d'inflammation, que la peau en est comme brûlée, et il y survient des pustules de petites véroles et de charbon, de façon que la peau en est toute rongée. Et dans son 9e livre d'Usupartium, il dit, le superflu des aliments, qui ne se convertit pas en sang, reste dans ses membres, s'y corrompt, s'y accumule, au point qu'il y survient enfin le charbon, la petite vérole et des inflammations qui, en s'étendant, attaquent les parties voisines. Et dans ce 4e livre, Ad Etimaeum, il dit aussi, les anciens ont donné le nom de phlegmon à toute partie enflammée, comme au charbon et à la petite vérole, et ces maladies, selon eux, ne doivent leur origine qu'à la bile. Mais on a raison de dire que Galien n'a pas donné une méthode particulière pour traiter cette maladie, ni établi la cause qui la produit. Cependant nous pouvons ajouter au passage de Galien cité par Azet, le suivant, qui nous semble assez clair, thérapeutique, 4e livre. Dans le cas où les ulcères sont advenus d'une fluxion, il est manifeste que ces dits, ulcères sont produits d'humeurs vicieuses, car la nature a coutume de faire ainsi des maladies quand elle purge le corps, elle envoie tout l'excrément à la peau, en sorte qu'il advient que la dite peau est ulcérée et tout le corps purgé. Galien, en définissant cette maladie, lui donne le nom de Kevmpfas. Étienne Delay, en le traduisant, ajoute que les latins l'appelaient l'herpe miliari. Cette sorte d'harpe, dit-il, ne fais pas tout de suite ulcères, mais d'abord seulement des pustules dans la forme des grains de millet, et les pustules, au bout de quelque temps, tournent à ulcères. Il est bien évident qu'il ne peut s'agir ici de la fièvre miliaire, si le premier symptôme le faisait supposer, le second coupe court à toute conjecture de ce genre. Maintenant, quant au latin, Pline parle comme Hippocrate et d'après lui, d'éruption qui laisse des traces et cicatrices au visage, il faut bien reconnaître à ces signes spéciaux la variole, car je ne sais trop comment on pourrait argumenter contre cette thèse, à quelle affection on pourrait attribuer cette description. Il faudrait donc admettre que les éruptions désignées par ces auteurs ont disparu pour faire place à la variole, car je ne connais pas aujourd'hui d'affection de cette nature, qui laisse ces cicatrices pour lesquelles Pline conseille l'application de topiques. Nous citerons encore Dioscoride d'Anazarbe, qui vivait au 1er siècle de notre ère, et nous nous arrêtons, nous ne voulons pas renouveler des discussions vaseuses, et usées sur les E accents graves, ABF pour 100 AA, les livritesis, Gieta, les pustulo, pusulo, sudamina, bariolo, etc. Nous avons voulu seulement mettre en lumière des documents, qui établissent qu'aussi loin que remonte sur tous les points du globe la tradition écrite, aussi, loin aussi remonte la chronique de la petite vérole. Les vaccinateurs ont dit, pour prouver que la variole n'est pas une maladie acquise, il faut démontrer qu'elle est aussi ancienne que le monde. Je crois que, sans trouver des documents antédiluviens, le fait est démontré par la théorie de la maladie d'abord, par le caractère évidemment ridicule des origines, qu'ont inventé les propagateurs du Copox, et enfin par ce que nous avons pour nous, non pas des documents de toute éternité, mais les documents les plus reculés qui soient au monde. On demande, en second lieu, de prouver que tous les hommes sont sujets à ces attaques. Prenons jusqu'aux témoignages les plus anciens, Aetiu, médecin d'Amida, qui vivait à la fin du 5e siècle, et qui a compilé tous les anciens médecins grecs, parlant terme précis d'une maladie particulière aux enfants, qui est évidemment la variole. Le traducteur d'Aetiu, Jean-Baptiste Montami, rend ainsi le passage où le médecin grec traite de cette maladie. Praediximujam infantobe de pravala, alimentain diverso morbo insidre, ita ut praete alia multa exantmata, coq et ampula capldicte navocan humidac, ulcera bubastica appellata, incorporis superficini rimpant. Maintenant prenons les médecins arabes qui, comme témoignage en cette question, ont une valeur énorme, car les plus anciens d'entre eux sont les premiers qui surent recueillir les œuvres des Grecs, fidèles et intelligents dépositaires, ils prirent, pour point de départ, la science où les progrès des Grecs l'avaient laissée. Il est facile d'abord de montrer comment les connaissances superficielles des vaccinateurs les ont induits en de grossières erreurs sur cette question des médecins arabes. En effet, les médecins arabes sont les premiers qui aient donné des traités complets de la petite vérole, de là, des vaccinateurs ont cru pouvoir dire que la variole elle-même, inconnue en Europe pendant les premiers siècles de notre ère, avait été importée par les Arabes. Mais ces savants, ces érudits chercheurs ignoraient, ou enfin d'ignoraient que l'empire des Grecs s'éteignant, celui d'Occident, déjà en proie à l'invasion des barbares, les Arabes devinrent un moment les seuls dépositaires de la science. Un de leurs califes, Al-Mamun Abdallah, qui monta sur le trône l'an 813 de Jésus-Christ, fit traduire en arabe tous les ouvrages grecs. De cette façon, les Arabes échappèrent à l'enfance de l'arrêt des sciences, ils prirent chez les Grecs, sous ce rapport, la civilisation toute faite, et alors, ce ne fut plus que chez eux qu'on trouva des géomètres, des astronomes, des mécaniciens, des médecins, tandis que l'Europe entière était plongée dans l'ignorance. Cet état dura plus de 400 ans, depuis le 8e jusqu'au 12e siècle. Les Arabes s'attachèrent surtout à la médecine, ils créèrent, entre autres, deux écoles éternellement célèbres, l'école de Salerne, dans le royaume de Naples, et celle de Montpellier, où on ne lutte, pendant longtemps, que les traductions latines des Arabes qu'on regardait comme les dieux de la médecine. Dès le 9e siècle, les Arabes avaient donc commencé à faire de bons traités sur la médecine en général, et sur la petite vérole en particulier. Voilà ce que les vaccinateurs savent, mais ils ne savent pas ou feignent d'ignorer sans doute, que ces théories les Arabes les ont traduites des Grecs, que jusqu'au 9e ou 10e siècle, toute la médecine arabe n'est autre que la médecine grecque. Or, si la petite vérole eût été ignorée des Grecs, les Arabes n'eussent certes pas manqué de faire mention de la découverte. Les théories des médecins arabes, sans être tout à fait rigoureuses, présentent toutefois, nous l'avons déjà vu, une clarté, une précision rare et le caractère le plus ingénieux. Nous citerons encore un passage de Razet, Aboubekr Razet, persan d'origine, surnommé Razet parce qu'il était natif de la ville de Rey qui, dans le 9e siècle, était le siège d'une académie célèbre où l'on enseignait la philosophie, la médecine et les beaux-arts, le plus célèbre et le plus remarquable d'entre eux, il donne de la variole une explication complexe au moyen de la comparaison la plus pittoresque. Nous l'avons indiqué déjà, mais nous la croyons assez intéressante pour ne pas craindre de la citer en entier à cause de son importance dans notre question. L'auteur recherche quelle est la cause efficiente de la petite vérole, et s'attache à expliquer pourquoi tous les hommes y sont exposés. Le corps de l'homme, dit-il, depuis l'instant de sa naissance jusqu'à la vieillesse tend toujours à la sécheresse, ainsi le sang des enfants sera plus abondant en humeur que celui des jeunes gens, le sang de ceux-ci plus abondant que celui des vieillards, et il y aura en même temps beaucoup plus de chaleur. C'est ce que Galien nous a déjà enseigné dans un de ses commentaires sur les aphorismes, où il dit « La chaleur chez les enfants surpasse en qualité celle des jeunes gens, elle est d'une nature bien plus véhémente. C'est pourquoi le sang des enfants du premier âge ressemble à des sucs nouveaux tels que le moût du raisin, qui n'ont pas encore éprouvé le mouvement de fermentation propre à leur donner une parfaite maturité, ils n'ont pas encore été travaillés. Mais le sang des jeunes gens est semblable à des sucs qui ont déjà fermenté, et qui se sont dépouillés de tout ce qu'ils avaient d'étranger, de toutes les humeurs surabondantes et superflues, comme un vin qui ayant déjà fermenté s'apaise, et reste tranquille parce qu'il est fait. Le sang des vieillards au contraire, ressemble à un vin vieux qui a perdu toute sa force et qui est sur le point de se glacer et de devenir aigre. La petite vérole survient lorsque le sang fermente et qu'il se délivre de toutes les humeurs superflues, ce qui arrive dans le temps qu'il change de nature, qu'il passe d'un état à l'autre, c'est-à-dire lorsque le sang des enfants, qui ressemble au moût du raisin, se convertit en sang de jeunes gens, qui ressemble à un vin en maturité, ainsi on doit comparer la fermentation de la petite vérole à celle du moût qui fermente et bouillonne pour se convertir en vin. C'est pour cette raison que les enfants, surtout les mâles, ne peuvent point échapper au développement de la petite vérole, puisque le changement du sang du premier au second état est inévitable, et il arrive rarement que le tempérament des enfants soit tel, qu'il soit possible que ce changement du premier au second état se passe peu à peu insensiblement au point que l'effervescence ne soit pas impétueuse et sensible. Cela ne peut arriver qu'au tempérament froid et sec. Mais celui des enfants est entièrement contraire à cet état, ainsi que leur régime qui ne consiste que dans le lait. Il en est de même de ceux de la seconde enfance. Quoique leur nourriture soit différente, elle approche plus de la première que celle des autres hommes, le mélange des aliments est plus intime, le mouvement de la digestion plus considérable, c'est pour toutes ces raisons qu'il est rare qu'un enfant soit exempt de la variole. Il est impossible, je crois, de trouver une comparaison plus ingénieuse, en effet, le rapprochement entre le règne végétal et le règne animal peut poursuivre et se compléter par les rapports qui se remarquent entre l'existence même de la plante et la vie physiologique de l'espèce humaine. Ainsi, ces phénomènes observés sur les phases de notre sang se retrouvent dans la vie du végétal, que l'on peut aussi diviser en trois périodes. On observera les mêmes phénomènes, c'est-à-dire que la sève surabondante dans la première période acquiert dans la deuxième de nouvelles qualités, elle est dès lors moins aqueuse, plus chargée de matière alcaline ou résineuse. À la troisième période, cette sève devient plus rare et commence même à ne plus être portée jusqu'aux extrémités. Le végétal se dessèche et, de même que le vieillard, cesse d'être. Du reste, il est curieux de remarquer en passant que les cas les plus nombreux de petites véroles se produisent juste aux saisons où la sève des végétaux se trouve naturellement dans un état de fermentation et d'effervescence, c'est-à-dire à la fin de l'automne ou au commencement du printemps. Rhazésit, outre les Grecs, tous les médecins célèbres qui l'ont précédé, et en réalité tous sont d'accord sur le principe du germiné. Ils citent Eusèbe et Nicéphore, qui ont vécu tous deux en Asie, l'un dans le 3e, l'autre dans le 4e siècle, et qui ont décrit une éruption, dont les symptômes présentent tous les caractères de la petite vérole. Il cite Aaron, prêtre et médecin d'Alexandrie 622 avant Jésus-Christ. Tobri, en 880, presque contemporain de Razé, Georges, Isaac, Misné, Sérapion, le juif Abdu, Tarmadi, Bugagizu, Magershois et bien d'autres encore. Sauf Misné et Sérapion, dont nous avons pu prendre connaissance, tous les autres sont complètement perdus, et leurs témoignages ne nous arrivent que sur la foi de Razé et aussi d'Avicenne, que nous ne devons pas oublier, car lui aussi a donné postérieurement à Razé, au Xe siècle, une théorie de la petite vérole, qui, tout en aboutissant à une erreur, pourtant part du principe invariable. Chez tous les médecins arabes, du germiné, c'est-à-dire que tout en se trompant sur le caractère de l'élimination variolique, ils considèrent néanmoins la petite vérole comme la simple élimination d'une matière hétérogène expulsée au moment où elle cesse d'être nécessaire à l'organisme. Ils pensent que l'humeur variolique est tout simplement le reste ou le superflu du sang dont le fœtus se nourrit dans la vie intra-utérine, et attribuent sa malignité au trop fréquent usage du lait de jument et de chameau, dont l'enfant fait sa principale nourriture pendant les premières années. On le voit, il est si bien convaincu que la variole est une simple sécrétion, qu'il accepte volontiers n'importe quelle conjecture sur cette sécrétion, plutôt que de songer un moment à y voir une maladie quelle qu'elle soit. Tous les traducteurs latins des Arabes, à partir du carthaginois Constantin, sont parfaitement d'accord en ce qui concerne l'interprétation des traités de la petite vérole. Nous pouvons les citer tous, depuis Constantin, au XIe siècle, Étienne Pliil au XIIe, et tous ceux qui vinrent après André Alpagu, Kirstenu, Gérard de Crémone, Armegandu, Blasu de Montpellier, tous sont d'accord, et leurs commentaires viennent apporter un témoignage de plus en faveur du germiné. Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'importance de l'école arabe, et sur la valeur énorme des monuments qu'elle a laissés, des citations suffisent. C'est l'enseignement des Grecs fécondé par des hommes d'un rare mérite, c'est encore aujourd'hui le principe, et sur quelques points le fond de la science. En tout cas, nous nous appuyons moins encore sur leur opinion scientifique que sur leurs témoignages, nous avons demandé à leurs œuvres, non pas la preuve théorique du germiné, mais simplement la preuve historique de l'existence de la petite vérole d'elle étant les plus reculées, nous nous en sommes servis uniquement, pour confondre ceux qui n'ont pas su lire chez les Grecs, les symptômes que nous trouvons si clairement décrits et si ingénieusement expliqués dans les traductions, et les commentaires des Arabes. La petite vérole est un travail presque physiologique, le fait est si vrai, qu'il a frappé les vaccinateurs eux-mêmes plus que les autres, et que c'est sur ce point-là surtout que s'est acharnée leur imagination. Ils ont fait une histoire spéciale de la petite vérole à l'usage de la vaccine, ils ont dit, nous l'avons vu, c'est une peste, les Sarrasins l'ont introduite en France au VIe siècle. À ceux qui parlaient germiné, et que cette origine, difficile à vérifier, ne satisfaisait pas, ils débitaient une foule d'histoires contemporaines, jamais, disait-il, la variole ne s'était développée spontanément, c'était toujours par contagion, et même quand l'accident arrivait en pleine mer, il y avait toujours une brebis galeuse, qui avait gâté tout l'équipage. Il suffit d'exposer ces naïfs fourberies pour en faire ressortir le ridicule. Les vaccinateurs sont pourtant allés plus loin. On le croira difficilement, mais le public avait si bien, si complètement, si facilement accepté l'ingénieuse légende de la variole importée en Europe par les Sarrasins au temps de Charles Martel, qu'on pouvait hardiment, pour la varioloïde, lui présenter un âne de même force. L'idée était louable, et tout à fait dans la tradition des vaccinateurs de la bonne école. Donc un vaccinateur de principe, M. Moreau de Jaunet, osa raconter gravement, en pleine académie, que la varioloïde ou petite vérole des vaccinés, était une maladie nouvelle importée en Europe à travers l'Amérique, et l'Angleterre sur des vaisseaux arrivant des Indes, où depuis bien longtemps déjà, ajouta l'ingénieux narrateur, elle sévit avec une grande intensité. Que dire d'une pareille naïveté, un pareil conte ne se discute pas, et pourtant il fut accueilli par les journaux étrangers. Nous le citons seulement pour montrer avec quelle assurance, on a osé se jouer de l'Académie de médecine, et nous ne parlons pas seulement des narrateurs, des prétendus théoriciens, il y avait à cette époque des scènes, qui semblaient des mystifications organisées, ils étaient deux, trois, quatre en même temps, les interpellations, les surprises, les réponses, tout semblait préparé, tant la réplique venait à point. Aussi l'Académie s'y laissa complètement prendre, on conçoit ce cas de désolant pour la France, ce rôle de dupe joué par un corps savant. On conçoit les conséquences d'un pareil patronage pour de pareilles assertions, qui doivent naturellement passer à l'état de dogme, et servir partout de point de départ aux recherches, aux théories, enfin qui doivent être articles de foi dans les discussions. Que de soins, que de peines, quel interminable travail d'imagination pour soutenir une erreur qui devait frapper ses défenseurs plus que tout autre par la difficulté même de la défense, en présence de ces démentis que les faits, venaient leur jeter à chaque instant. Ne jamais voir les observations sous leur véritable jour, toujours tordre les faits pour en faire sortir les conclusions les plus illogiques, compromettre sa droite raison, épuiser son esprit, être acquis à souvent, de mauvaise foi toujours, et tout ce travail de tant d'années pour élever un triste édifice, qu'une heure de bon sens doit suffire à renverser. Car, nous aurions pu nous dispenser de cette longue argumentation, et d'un seul mot mettre en déroute tout l'artifice. L'homme n'est pas seul sujet à une épuration douloureuse pour le passage de l'enfance à l'adolescence, tous les animaux ont, eux aussi, leur petite vérole, pour eux comme pour nous elle est inévitable, pour eux comme pour nous elle est salutaire, et présente pourtant des accidents qui ne sont pas sans gravité. Dira-t-on à l'Académie que les moutons du IVe siècle, ont gagné la clavelée dans un voyage aux Indes, et l'ont importé pour le malheur des moutons européens ? Trouvera-t-on aussi quelque origine de l'autre monde pour la gourmée et la crasse des chevaux, le copox de la vache, pour la maladie des chiens, des singes, le soinpox des porcs et de tant d'autres, en un mot pour toutes les petites véroles des mammifères ? Et pourtant toutes ces maladies, qu'il faut bien accepter comme existant de toute éternité, dont il faut bien reconnaître le germiné, toutes ces maladies sont analogues en principe à notre petite vérole, elles peuvent être prévenues chacune par l'inoculation de leur propre virus, c'est ainsi entre autres qu'on a diminué l'intensité de la clavelée des moutons en inoculant le virus aux agneaux. Monsieur Serre, dans un rapport fait à l'Académie des sciences, cite un fait de médecine comparé dans lequel il avoue, que le claveau est la maladie née, ou la petite vérole des moutons. On sait, dit cet auteur, que pour prévenir les ravages du claveau chez les moutons, les agriculteurs ont souvent recours à son inoculation. Dans toutes les contrées où le nourrissage des moutons est important, et où le claveau, sous lequel des moutons succombent, est fréquent, on a introduit l'inoculation, de telle façon, que chaque année on inocule tous les agneaux, en se servant du virus pris sur le moins malade, et en continuant toujours ainsi à ne transmettre, que le virus du mouton le plus sain. Par ce procédé on obtient, à la deuxième transmission, un virus qui, plutôt locale, n'occasionne que très rarement un claveau général, de façon que cette maladie des moutons, qui est leur petite vérole, devient très douce et sans danger. Point. Il faut bien en prendre son parti, d'un côté, les fables inventées pour les besoins de la cause sont trop ridicules, de l'autre, les faits sont palpables, d'ailleurs, les symptômes de variole, rapportés d'une manière plus ou moins explicite par les auteurs grecs ou latins, ne peuvent être considérés et traités, comme des traditions mythologiques, les Chinois n'ont pu s'entendre avec les Arabes, exprès pour faire la guerre au vaccin. Plusieurs milliers d'années avant l'invention de la vaccine, de toute évidence il faut calmer un zèle dangereux pour tout le monde, renoncer aux frais d'imagination, et s'incliner devant l'évidence. Gêné, du reste, n'ignorait pas la variole des espèces animales, il avait exposé le premier que la matière qui s'écoule des ulcères des chevaux attaqués dos aux jambes, peut produire des pustules vaccinales. Il avait essayé avec succès, les vertus du Copox sur la maladie des chiens. Depuis, ces expériences ont été tentées en grand nombre de fois, dans la séance de l'Académie du 4 janvier 1837, M. Gérard, après avoir parlé des expériences faites sur le vaccin qu'il a découvert à Rambouillet, dit qu'il inocula ce virus plusieurs fois à des moutons, et qu'il obtint à la troisième génération de très belles pustules. Mais laissons parler Gêné, il s'adresse au rédacteur de la Bibliothèque britannique. Vous connaissez sans doute, dit-il, ce que l'on appelle la maladie des chiens, vous savez que son symptôme caractéristique est une espèce de râle ou de tourette produite par les efforts que fait l'animal pour expulser un fluide visqueux qui remplit sa poitrine et qui découle en même temps abondamment de ses naseaux. Tous les chiens sont sujets à cette maladie. Elle est si meurtrière en particulier pour les chiens de chasse qu'il en meurt la moitié de ceux qui la prennent au chenil. J'en ai disséqué un grand nombre et j'ai constamment vu que la cause de leur mort est une vraie inflammation de poitrine. Or, il paraît que les chiens sont très susceptibles de prendre la vaccine par inoculation, et qu'elle produit en eux tous les symptômes de la maladie dont je parle, mais d'une manière si bénigne qu'ils n'en meurent point, et cependant ils sont, par là, mis à l'abri pour l'avenir. Sur 43 petits chiens vaccinés avec succès, il n'en est pas mort un seul, tous se sont trouvés depuis inaccessibles à la contagion. Depuis Gêné, les mêmes expériences ont été répétées bien des fois, mais ce que ne disait pas Gêné, et ce que les expérimentateurs modernes ont été bien obligés de reconnaître, c'est que les chiens de chasse ainsi vaccinés n'ont pas la maladie en effet, mais qu'ils perdent le flair, l'agilité, en un mot toutes leurs qualités natives. Il faut donc bien conclure qu'il ne s'agit encore ici que d'une sorte de variole, la crise est toujours la même, quant à l'objet et quant au résultat. Gêné connaissait aussi par expérience la variole des porcs, car il avait pris du virus sur un porc, Swinpox, pour vacciner son fils aîné. Monsieur Bousquet, dont le livre nous fournit ce document historique, laisse échapper à ce propos cet aveu notable. Le virus avait été pris sur un porc, dit-il, d'où il semblerait que toutes les petites véroles sont de même famille et tiennent lieu l'une de l'autre. Monsieur Bousquet et les vaccinateurs reconnaissent donc que toutes les espèces animales ont une variole, alors à quoi bon tant de livres, de brochures et d'articles de journaux où ils affirment que notre petite vérole humaine n'est pas une maladie née, mais importée au VIe siècle ou expédiée de l'étranger, ils reconnaissent donc l'analogie partout, excepté au point où elle est le plus frappante. C'est la même maladie, ils le reconnaissent, mais chez tous les animaux elle est innée, chez nous, point. Chez tous les animaux elle se produit spontanément, chez nous, point. C'est clair.